Saint-Raoult, 89.1 FM. FM. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Vous écoutez les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 5 au 11 octobre 2015, je m'appelle Mathieu Plante. Accompagné de Tania Bourdin. Juste avant l'émission, je lui ai dit la phrase dans l'intro, c'est les Palmarès, c'est fou parce qu'on n'a pas le temps pour autant de mots que vous écoutez les Palmarès, c'est fou. Mais ça a rentré quand même. Ça a rentré parce que tu l'as dit vite. Ouais. On parle aussi vite l'un que l'autre. Ouais. J'espère que c'est écoutable. J'espère aussi. En tout cas, le pire, c'est que je me concentrais à pas le dire, puis parce que je me concentrais trop, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que ça fait dans la vie quand on se concentre trop. Ouais. Mais bon, Tania Bourdin, troisième semaine de présence à la co-animation, est-ce qu'on dit que c'est comme une nouvelle tradition régulière? On dirait que c'est comme une nouvelle tradition régulière, t'as bien raison. Ah wow, t'as comme quasiment volé les mots directement de dans ma bouche en prenant exactement les mêmes mots que de dans ma bouche. Ben oui, mais c'est parce que ça fait suite à ton idée. C'est ça. Tout simplement. On suit, on connecte. On connecte. Comme toujours. Quel team de feu. Ah, ça a pas de sens, ça a même pas de sens. Donc, les palmarès, c'est fou, qu'est-ce que c'est? Ben c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est un top 20 francophone et un top 20 anglophone. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours Metric. Ooh. Avec The Shade. Alors que du côté francophone, qu'est-ce que c'était le numéro 1 la semaine passée, Tania? C'était Christelle de Philippe Braque. Est-ce que ça tient? On va savoir dans 3 heures environ. Il n'y aura aucune chronique aujourd'hui. Il n'y a pas de Palmer's in Peace, il n'y a pas d'Instant Classique, il n'y a pas de C'était Fou. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une demi-heure spéciale dans le milieu de l'émission en compagnie d'un invité surprise. Ouh! Donc, ça s'en vient plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. En fait, c'est Bernard Adamus qu'on va voir avec nous. C'est plus trop surprise. Non, là, je sais, mais je te mets dans la parenthèse d'un studio de radio. Là. Je sais pas, tu connais ça, les médias, un peu? Juste un peu. Les invités surprises... Ils sont jamais vraiment surpris. Ben, quand tu sais pas qu'ils vont se présenter, quand tu sais pas s'ils vont se présenter ou pas, tu l'annonces pas, comme ça, tu déçois personne. Mais quand tu sais que tu l'as parce que c'est préenregistré, ben, tu peux l'annoncer. Hein? Tu sais, je viens de défaire le rêve, hein? Tout à fait, là, tout le monde. Hack and slash, le tout rêve. Le monde s'en allait se pointer devant les fenêtres du studio ici au 89.1 juste pour voir Bernard Adamus, mais là, trop tard. Vous venez de savoir qu'elle a été précanée. Imaginez l'odeur du popcorn mélangé avec Bernard Adamus ensemble dans le pavillon de Nérébauche. On commence avec les nouvelles entrées. Du côté anglophone, en 20e place, ce sera Hogface avec Worst Nightmare. Et du côté francophone, ça va être Portugal de Galaxy qu'on a entendu ce matin à la radio. Hey, ça, c'est bon. C'est Assemblage requis, je te gâche. Assemblage requis. Malade! Vous êtes au Palmarès, c'est fou! 89 FM. position. Nouvelle entrée. I'm your worst nightmare. Worst Nightmare, ça décrit bien, je pense, notre impression de cette chanson de l'album RIP, 20e place en anglophone. Nouvelle entrée. Et du côté francophone, c'est En attendant de Simon Kearney. Non, c'était Galaxy, Portugal. Ah, ben oui, t'as bien raison, excuse. Non, c'est pas grave, on s'habitue, c'est juste la troisième semaine. Ben oui. Une chose à la fois, hein. On apprend, on est en training, t'as ton petit macaron training. Ça, je regardais pas la bonne ligne. Ben, j'imagine, ouais. Tout simplement ça. J'avais deviné, ça. Mais par contre, ça donne bien parce que t'étais comme un petit peu comme si Fou était à l'avant-garde des autres radios. T'es un petit peu à l'avant-garde du palmarès. T'es tout le temps une position à l'avance. C'est pas, j'aime ça gagner dans la vie. Là, on parle de quel sport, là? On parle de position dans quel sport? On parle de chasse. Ah! Donc, en 19e place anglophone, on va entendre Beirut avec Gibraltar qui vient de l'album No No No. Et du côté francophone, comme je viens de le dire, eh bien, ça va être En attendant de Simon Kearney. Et un non, non, non, là, c'est un non. C'est les un gars, nom. Les gars, sachez-le. Sachez-le. Un nom, c'est un nom. C'est ça. On en a discuté ce matin, hein. Un nom, c'est un nom. Oui, je me rappelle, c'était un peu ça, c'est pour ça que j'en parle. Avec Samuel. Oui. Oui. C'était pas en ondes, par contre. Non, on était à l'extérieur des ondes avec un autre animateur. Racontons, on parlait de. Je me souviens plus trop pourquoi on est venu sur ce sujet, mais on est venu à parler du droit des femmes. À dire non. Ouais, à dire non lorsque vient le temps d'être consentante à une certaine relation ou à quelque chose d'une avance d'un gars. On parlait entre autres du fait que, bon, si une fille t'a dit oui, ensuite t'a dit non, c'est un non en tant que tel. C'est un non en tant que tel. Mais même le contraire, c'est ça. Si elle te dit non et qu'elle finit par te dire oui. Parce que tu l'as achevé. Parce que c'est ça, évidemment, tu l'as frappé une couple de fois. En gros, ça reste un non. C'est ça, parce qu'elle a quand même dit non au tout début, alors tu peux quand même te faire poursuivre. C'est ça. Hey, je te dis qu'on brasse des sujets profonds aujourd'hui. Fait que finalement, assure-toi qu'elle dit oui dès le premier coup puis qu'elle dit pas non. C'est ça. Un sujet profond aussi étant un euphémisme pour ce qu'on vient de discuter. C'était profond, maman. C'est mon kerning. C'est pas mal assez fou, 89 FM. Then

18. Nouvelle entrée. J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes, je détraque. Il me surprend moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors rends-moi. Je suis folle de vouloir te rendre fou. Je ne sais plus ni quoi faire ni quoi dire. Donne-moi la raison de ce délire. Quand tu es là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. C'était Joël Saint-Pierre, la pièce 100 pas sur l'album Et toi, tu fais quoi? Joël Saint-Pierre, qui vient de Chicoutimi, sur sa page Facebook, ça dit qu'elle s'accompagne et ne danse pas tout ça en même temps. Hein, quand même, faut être productif pour réussir à ne pas danser en même temps que tu fais d'autres choses. En tout cas, moi, je me retiens tout le temps pour ne pas danser pendant que j'anime une émission de radio. N'est-ce pas, Tania? Ben oui. C'est ça. Donc, elle dit qu'elle écrit parfois des chansons puis les partage avec ses amis pour qu'on lui dise s'il y a des trucs qu'elle pourrait changer, tu sais. Hein? Donc, c'est Joël Saint-Pierre au vibraphone, au piano et à la voix. Avant d'entendre ça, c'était, on l'a sauté par-dessus, The Weather Station avec Loyalty, qui est en position numéro 18. On a entendu Beirut avec Gibraltar. Et ce Beirut, c'est un groupe qui vient de Brooklyn, New York, avec un gars qui s'appelle Zach Condon. Ah! OK. Pourquoi ouais, pas? L'album s'appelle No No No. Et avant ça, on a entendu Simon Kearney avec En attendant sur l'album La vie en mauve. Simon Kearney, qui est un auteur, compositeur, interprète, qu'on peut retrouver sur simonkearney.ca. KEARNEY.ca. Un des noms les plus difficiles à appeler, je trouve. Quand même, hein? C'est quand même pas évident. Je suis d'accord. Donc voilà pour le blog des 19e et 18e places. En francophone, on va sauter par-dessus les 17 et 16, Tania. Donc, on va aller écouter les Shrimps. Alors, tantôt, mais fais juste dire ce qu'on a sauté. On va avoir sauté, en fait, Sophie Anolin avec Ce matin et Marie-Pierre Arthur avec Papillon de nuit. Oui, parlant de toi qui dis Sophia au lieu de Safia, là, apparemment qu'une police de caractère, des fois, les A et les O peuvent se ressembler. Oui, c'est comme toi tout à l'heure. C'est ça, on me dit que j'ai prononcé Hog Face comme une face de cochon, mais c'est Hag Face comme une harpie. Oui. Voilà, donc maintenant on sait Hagface qu'on a entendu en début d'émission qui apparemment est populaire dans les radios universitaires. Donc on va commencer à écouter ça un petit peu plus pour se la mettre à l'oreille, bien sûr. Donc tu l'as dit, du côté franco, on saute les 17 et 16, mais on les écoute du côté anglophone. On aura tantôt Hot Chip avec Why Makes Sense, mais on débute avec Braids. Oui! T'es contente, et, là? Ben oui, je suis très contente parce que c'est une chanson que... ça fait plusieurs fois qu'on le dit, en fait. Je pense qu'à chaque semaine, elle joue dans les palmarès et on la fait aussi jouer dans nos émissions le matin. Mmh. C'est la pièce Miniskirt de Braids et le message est tellement beau. C'est les palmarès, c'est fou. It's not like I'm feeling much different than a woman my age years ago. Liberate is what you want to call it. How about I'm fairly choked? Cause I know some just see my body. And every girl I know at some point stopped eating. I'm not a man hater, I enjoy them like but in my position, I'm the slut, I'm the bitch, I'm the whore, the one you hate. And there's a name for this kind of man, a soft one at that. Womanizer, Casanova, Lothario. For us, it's just a stamp to the head. For them, another notch in the bed. It's like I'm wearing red, and if I am, you feel you the right to touch me. Thank you. jazz. Hot Chip Why Make Sense. Position numéro 16, ça descend de 5 places en anglophone. Du côté francophone, en fait, on a sauté quelques pièces, Mathieu, si je ne m'abuse. Et c'était les Shrimp avec Le Doute et Baden Baden avec J'ai plongé dans le bruit. Mm-hmm. Mais on a entendu Braids avec Miniskirt en anglophone. C'était la position numéro 17. Voilà. Voilà. On a bien résumé la chose. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. On avance. On a une demi-heure de fête. Sachez que tout à l'heure, vers le deux tiers de l'émission, on va avoir en entrevue Bernard Adamus. Oui! C'est vrai, ça. Bernard Adamus. C'est très vrai. Tout à fait. Et c'est juste que pointez-vous pas au studio. Non. De toute façon, quand est-ce qu'on est en reprise, quand est-ce qu'on est live, il n'y a personne qui sait ça. C'est ça, il n'y a personne qui sait. Ben, ça joue dans les murs de l'université, cette émission-là. Ouais, puis on laisse la porte ouverte. Bon. Fait que ça. Alors, pensez pas que Bernard va être ici dans quelques instants parce qu'il était ici la semaine passée. C'est exact. Donc, allons-y avec les prochaines places. En francophone, on continue de sauter. Donc, la 15 et la 14 francophone, on ne les jouera pas, Tania. Ouais, non, c'est ça. Comme je disais, on va sauter Shrimps et Baden Baden avec J'ai plongé dans le bruit. Mais du côté anglophone, par contre, Mathieu, on va les jouer. Oui, et on va entendre tantôt Fake Tears avec You Want the Light qui est stable. Et on va rester stable en 15e avec Twin Bandit. Voici Rosaline. Ouh. Sur C'est fou. C'est les palmarès. C'est fou. On your skin, tell me how far you've been. And it's a story that I found hard to hear. You have seen a lot for a woman of your years. I could shed a sea of tears just to think it. Bringing me the tears again. 14. Fake Tears, You Want the Light, stable en 14e place anglophone. Avant ça, c'était la 15e du même côté. Mais oui, c'était Rosaline avec le band Twin Bandit. Bandito. Mm-hmm. Toujours les palmarès, c'est fou. Toujours dans la portion New Shit, la première heure de l'émission. Tantôt, on va avancer dans le top 10 et dans le top 5, mais il nous reste encore un petit peu de temps. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on peut continuer encore. C'est ça de ne pas avoir de chronique à jouer. Bon, on va en avoir une tout à l'heure. On a une entrevue tantôt, mais c'est ça. Donc, pas de chronique pour l'instant. On va y aller tout de suite avec les positions numéro 13. Il y en a une qui monte de 6 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. On parle d'Alabama Shakes et Future People. Et du côté francophone, eh bien, ça monte de 2 places. C'est Sahara avec Délice. Oui, c'est celle qu'on trouve bizarre à chaque fois qu'elle joue. Puis qu'on se dit, hey, c'est-tu vrai que c'est dans le palmarès, ça? Ben oui, c'est celle-là. Pas le choix. On la sautera pas. Non, on va l'écouter. On va traverser ce désert jusqu'à ce qu'on voit. Ensemble. Un mirage, ou du moins. Une crunchy ou quelque chose comme ça. Parce que Mirage, pas sûr. Une bière. À chaque fois que j'achète une Mirage, comment, il me semble que c'était pas si bon que ça. La barre de chocolat, ouais. Ça. C'est correct. Ouais, c'est un peu d'accord. Fade. C'est pas la meilleure. C'est le rien pantoute du chocolat. Ça. Bien meilleure, une aéro. Ni les sons, caresses émouvantes se chatoyant, qui sur mon cou s'alanguissent du cou au corps, sans barreau et sans cœur. Ta bouche fraise glisse encore à corps, audacieux et sauvage. Elle m'émeut et me dit. c'était plus Vagina Boule ou Slap Machine? C'est une bonne question. C'est pas la même chose? Je sais pas. Ah non, Slap Machine, c'est l'affaire que tu fais clic clic clic clic. Ouais. C'est ça. On va entendre Alabama Shakes et Future People qui monte en fait de 6 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 2 places. C'était Délice de Sarah. Oh. La fameuse chanson qui, à chaque fois qu'on arrive pour la partir, on fait comme c'est quoi ça déjà? Puis là, on la part, puis on fait ah, ouais, c'est. Non, non, en fait, on la part, on fait encore ah, c'est quoi ça? Jusqu'à temps qu'elle finisse. Ah oui, la fin de cette chanson-là, là, je m'en souviens, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, il nous reste une dizaine de minutes dans cette première portion d'émission. On a le temps pour les prochaines places, les 12e. C'est Stab Anglophone avec Faith No More et Sunny Side Up. Du côté francophone, on a quand même monté de 4 places avec le Winston Band, La vie du bum, qui est là depuis quand même 4 semaines. Oui, tout à fait. Et tantôt, on va voir Bernard Lamus. Ben oui. Faut que ça a un lien avec les bums, là. Mais non, aucunement. Faut pas faire de lien. Faut pas faire de lien. C'est les bums récifs. Ça, c'était une pièce de Faith No More qui s'appelle Sunny Side Up et c'est stable en 12e place anglophone. En 12e place francophone, on a entendu La Vie du Bum de Winston Ben. Mais en! Et ça donne que c'est la fin de la portion New Shit de l'émission. Ben oui! Et qu'on va se retrouver dans quelques instants pour la portion Top 10. Mais il en reste encore une. Ben, moi, je dirais qu'il reste comme deux tiers de l'émission, mais tu y vas comme tu veux, côté mathématiques. Non, mais dans New Shit, avant la 10e place, quoi. Oui, sauf qu'on les jouera pas parce que c'est la fin de l'heure, t'as vu? Ah, déjà, ben oui. Et on atteint le poteau de la prochaine heure. Donc, on se retrouve dans deux instants avec les positions 10, 9, 8, 7 et 6. Ouh! Ça. Vous êtes assez fous. 89.1. Bon, attends, c'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 5 au 11 octobre 2015. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui, ça en passe des choses dans ce palmarès-là. On entre dans la portion top 10 et on va entendre dans l'ordre, pour commencer, les positions numéro 10. Et plus tard, dans cette deuxième heure, oui, c'est là que, notre entrevue avec Bernard Adamus va être vers la fin de la deuxième heure. OK. Okay? Donc, j'accepte. Ben, c'est pas vraiment ta décision. Donc, en deuxième heure, le fun tantôt, il y aura No Joy avec Remember Nothing qui descend de deux places. Et du côté francophone, ça va être Les Incendiaires avec L'Éléphant s'évapore. On est toujours à la dixième place. C'est la deuxième semaine de suite. C'est les palmarès SIF. Au 89.1 FM. Yeah. Joy, une pièce qu'on écoute pas assez souvent qui est super bonne, c'était Remember Nothing, c'est en position numéro 10, ça descend de deux places en anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu la 10e position qui est restée en 10e position pendant 2 semaines, c'était L'éléphant s'évapore des Incendiaires. Voilà, le feu est pogné dans le palmarès, comme ça se peut plus. On se peut plus. Ça n'arrête jamais. Jamais. On laisse parler la musique. Le contenu qu'on lit sur Internet, on le garde pour les émissions du matin. Il faut. À place de faire ça en gaspillant ça au palmarès, c'est fou, hein? Mais ça vaut une chronique. Ça vaut une chronique complète à Assemblage requis de Tania Is Gonna Entertain Ya. Petite chronique que tu vas nous faire demain matin. Pour ceux qui nous suivent et qui veulent un petit avant-goût, on va parler de café demain, hein, je pense. On parle de café puis on parle de hangover demain matin. Ah, t'as essayé de café déjà une des cures de ton hangover, j'imagine? T'as tout compris! Ça vole un punch! Ah, mais punch aux fruits, ça se vole pas. Tu vois, moi, le punch aux fruits, c'est un des jus que j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça existe. Parce c'est que comme ça... le... C'est comment que ça s'appelait, celui, pendant la fureur? Est-ce que tu te souviens de ça? La fureur! Oui, ça, je me rappelle, mais le lien avec le punch aux fruits, ça, un peu moins. Il y avait un jus qui commanditait l'émission. Un genre de oasis, tu sais? Mais c'était pas un oasis, là, tu sais, ça a vraiment l'air de du plastique et Sunny Delight! Non! C'est... L'emballage, elle est verte. C'était très haut. Non, tu me perds. C'était fruit quelque chose, en tout cas, je me souviens. Fruitopia. Mais c'était pas ça. Non. Mais ça ressemblait beaucoup j'ai à la consistance. J'ai nommé tous les jeux que je connais. Les fruité. Jeux que je connais. Fruité. C'est le jus fruité. Oui, merci à Karina qui nous écrit qui est le jus fruité. Merci, Karina. C'est les galons, genre, on dirait, de l'huile à moteur ou je sais pas quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est dégueulasse, ces jus-là. C'est même pas bon. Mais ça goûte le plastique, ça goûte l'artificiel à 100%. C'est ça. C'est un jus mais pour enfant, du punch aux fruits. C'est un jus pour enfant que t'achètes parce qu'il est pas cher, que t'as la qualité qui va avec le prix, t'sais. Ouais, un peu comme le Sunny Delight, finalement. Un peu comme le Sunny Delight, exact. Tu sais, ça goûte pas l'orange. Il y a un Sunny Delight au punch aux fruits, tu sais. Le Sunny Delight, pour moi, c'est à l'orange. Aux fruits. Ben, orange. Aux agrumes. En guillemets, c'est ça, aux agrumes. Ouais. Comme les jus d'orange dans les restaurants, genre Belle Province ou peu importe, où c'est genre un jus super chimique. Dégueulasse. Ben, c'est comme le jus de pamplemousse à la CAF à l'université. Oh! Ah, c'est mon préféré. Tu parles pas pour mon jus. Mais à vous, ça goûte pas le pamplemousse non, normal. Non, aucunement. Bon. Bref, ça avait vraiment beaucoup de sens de parler de ça dans les palmarès. C'est fou. Position numéro 9 en anglophone, c'est Jamie XX avec Loud Places qui descend de 3 places. Du côté francophone, eh bien, on a descendu d'une place pour Constance du band Vilaine Fille et Mauvais Garçon. Au palmarès, c'est fou! 89.1 FM! Take me home. when you come down, I won't be around. It's not safe. heavens above. Now I never want this to end. See, there's nothing that compares to when I'm whole up in here with you. Yeah, there's nothing that compares to when I'm whole up in here with you. When I'm whole up in here with you. When I'm whole up in here with you. Oh no, it's not the same. It's not the same. It's not the same. C'était The Dears. I used to pray for the heavens to fall. Qui monte de 10 places en 8e position anglophone. Et en 8e position francophone, eh bien, on a entendu Ponctuation avec Poésie Automatique. Voilà. On est déjà rendu au moment de l'émission qu'on mentionne depuis, quoi, une heure et demie environ? À peu près. Mais tant qu'à vous faire languir avec l'entrevue de Bernard Adamus, on va vous faire languir encore plus parce qu'on va prendre la pause tout de suite. Oui. C'est ça. Et on revient après ça avec Bernard Adamus en entrevue. Là, t'as quasiment fait une plug de TVA. Ah, j'avoue. on change ça, on recommence. On recommence. Non, c'est pas vrai. C'est au retour, reste là. Palmarès, c'est fou, on est rendu au point de sauvegarde à la mi-chemin de l'émission. Et comme on vous le dit depuis le début, Bernard Adamus nous a accordé une entrevue. En fait, il l'a accordé à Louis-Philippe Quentin, rédacteur en chef adjoint du journal Zone Campus et aussi employé dans nos bureaux ici à C'est fou depuis quelques semaines à peine. Quelques semaines, oui. Et déjà, il entre en fonction et il reçoit Bernard Adamus. C'est parce qu'il a du pouvoir, cet homme? Hey, plein de pouvoir pour LP. Et la raison qu'on fait jouer ça, ben, c'est parce que Bernard Adamus est dans les Palmarès. C'est en position numéro 7, donc on va sauter par-dessus la position numéro 7 anglophone, Fist City avec Hey Little Sister qui monte de 2. Mais on va écouter, en fait, la pièce de Bernard Adamus qui est Donne-moi-en. Et juste après, l'entrevue avec Bernard sur C'est fou. 89 ans. FM. pas. Parti scorpion, singe bonobo. Puis c'était qu'il tient sur flair en potin de taille. Achète l'épaule sur le rock'n'roll. Les gars fait le dos, mais ça de yodo. Les gars fait le dos, mais ça de yodo. Paraît peut-être pas, mais ma tsicadone n'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais ma tsicadone n'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main. Rien que de ça, pis de rêve que là. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main. Rien que de ça, pis de rêve que là. J'ai une chum dans le temps, pas une once de gros. Y'a les cheveux tout croche, la barbe d'un bras. T'es pas dans l'œil qu'il grise, les doigts qui frisent. Si toi tu bois, lui double la mise. Il bouge pas là, pas sympa de suivre. Il passe une mop, là il change de chemise. Il drop des scotches, de grip et clutch. Il tête une pop, ça allume sur une botch. Mais dans sa main, un drôle de bébé. Il travaille fort, le moins souvent possible. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonne, puis il a t'asseoir. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonne, puis il a t'asseoir. Tire, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis de rêve que là. Oui, donne-moi ça, juste de même. Rien que de ça, puis de rêve que là. Que je sais, qu'est-ce que fait qu'il faut qu'on parte t'asseoir. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que fait qu'il faut qu'on parte t'asseoir. Les jours intenses, c'est me shooter une peine de blanche. J'enlève le coup dans tous ces marches. Au plan de score, va sur escort dans mes oreilles. J'entends l'écart, le compte à rebours. Indice passé pour ma question. Voici, je m'agresse le week-end. Big me roule le zip. On met la tune à Jimmy Cliff. On en rajoute, puis on radote la note. On monte la BDSA. Si je pêche dans un gramme à 2 sucres, 1 gramme. Je pique à Joe pendant le week-end. Fais chauffer le casque en début de semaine. Excès d'avoir action. Elle t'aime courager. Qu'elle me coule la mine. Me raboule, me ramène à vos autres, mon capitaine. Elle a pétune Shawinigan. M'a dit qu'elle bonne Kamagan. Me raboule, me ramène à vos autres, mon capitaine. Elle a pétune Shawinigan. M'a dit qu'elle bonne Kamagan. Bonjour Bernard Adamus. Salut, salut. Bienvenue dans les studios de C'est Fou. On est ici pour parler de ton album qui est sorti le 25 septembre sur Dare to Care. Sorel Soviet, So What? Est-ce que tu peux rapidement nous parler du nom de l'album? Parce qu'il est relativement étonnant, peut-être un petit peu plus loin de ce qu'on s'attend par rapport aux autres. C'était juste c'était une farce en fait. Okay. Puis... en gros, là, je m'étais écrit ça sur le bras. Sorel Soviet sur What, parce que je m'étais déguisé en motard là, sur un soir d'Halloween, puis j'avais gardé la joke, ça sonnait bien, puis un an et demi plus tard, c'est comme devenu le titre de l'album, puis quelques jours avant de finir la toune Cadeau de Grec, ben ça s'est retrouvé dans le texte. Dans le texte de la chanson. Fait que là, ça, y a une cohésion qui est arrivée finalement avec la joke. La joke est allée plus loin que prévu. Ouais, c'est ça, jusqu'à s'immiscer dans la sphère publique de manière assez, de manière assez ouais. intense. Ouais, exactement. D'ailleurs, parlant d'album, on sait que c'est, pour cette fois-ci, les arrangements, du moins, c'est ce que j'ai trouvé à l'écoute de l'album, on voit que les arrangements sont très léchés. C'est un album qui est très rempli. Ouais, donc, on garde évidemment le son slacker qu'on est habitué d'entendre depuis Brun. Ouais. Par contre, on a l'impression qu'il y a une espèce de professionnalisme qui a été vraiment assumé. Ouais, ça a été plus à cause de l'arrivée, pas à cause, là, mais en façon de parler, grâce à l'arrivée de Tonio Morin-Vargas en drums. Parce qu'avant ça, on n'avait pas vraiment de drummer. On avait Eric, mais tu sais, ça restait, c'était rien qu'une percussion, un gros bass drum, tu sais. Mais là, depuis que je joue avec Tonio, ça a amené un vrai drum. Puis oui, c'est un band qui a beaucoup répété pendant l'hiver. On a fait quand même des bonnes pré-prod. Puis ça a été vraiment plus un album de band là, que de chansons. Puis oui, les gars savent jouer. Donc ça aide effectivement des gens qui ont des formations musicales ou oui, qui viennent d'un milieu. Oui, tout le monde c'est tous des geeks là. C'est ça, des professionnels de la chose. Ouais, façon de parler, mais ouais, c'est des pros, on est rendu là. C'est déjà en spectacle, ça fait longtemps que c'est fini là. Ben, c'est agréable de savoir ça. Ouais. Les deux premiers albums étaient réalisés par Éric Villeneuve. C'était la même chose sur cet album-là. Est-ce que ta manière de travailler avec lui a changé ou? Non, en fait, mais la fin qui a changé, c'est qu'encore une fois, ça a été un album à trois têtes au lieu de deux têtes. Tonio a eu beaucoup d'input sur cet album-là. Puis Tonio, c'était un peu aussi, c'est lui qui est arrivé avec l'idée qu'il regarde, son cool les jokes, c'est le fun, le côté de brosse, ben humain, le côté trash, mais il était comme, pourquoi qu'on le fait pas avec un esti de band de feu, tu sais? Mm-hmm. Structurer cette espèce de ouais, d'idée-là. Cette affaire-là, puis l'amener plus loin, puis moi, j'étais tanné un peu du côté juste chanson, là. Je voulais un album de band, fait que, ouais, tout ça mis ensemble, j'ai rapporté du monde avec qui je m'entendais bien, que je savais qu'il jouait à mon goût. Puis voilà, on a fait bien des répètes, puis on a tapé le disque. De manière à ce que ce soit... Vous l'avez enregistré dans le fond, full band, ouais, en live? 100% live. OK, donc ouais. ça va vraiment... L'album lui-même reflète ce qu'on va entendre en spectacle. Oui, tout à fait. Juste qu'on était mieux équipés, plus préparés, fait que tout ça, oui, on a été plus pro, entre guillemets, sur cet album-là. Mais on n'a pas manqué de fun, fait que moi, j'ai rien à regretter. C'est merveilleux dans ce cas-là. Ouais. Puis tu disais que tu voulais quitter un petit peu la vibe chanson. Est-ce que en live, dans ce cas-là, vous allez permettre le jam, permettre un peu plus l'improvisation? Les tunes bougent un peu là, quand même en show, mais ça reste mes tunes. Là. Des fois, elles sont un peu plus longues. Mais en ce moment, premièrement, c'est vraiment le début de la tournée. Là. C'est le deuxième show à soir. Là. Fait que il y a bien des choses qui vont bouger dans les prochaines semaines. En spectacle, soit le pacing, soit l'enchaînement ou bien des arrangements. Là, on cherche. En fait, le problème en ce moment, c'est pas tant c'est pas les tunes de l'album. C'est les tunes des autres albums avant. Ouais, c'est plus là qu'on cherche, là, c'est quoi l'arrangement payant. Parce que, on a grosso modo, c'est le même band là, qu'il y avait sur l'album qu'il y a sur le stage, là, à une personne près. Là. Mais pas à une personne près, mais en tout cas, c'est la même instrumentation. Fait que là-dessus, ça va super bien. Les tunes de l'album, le rendu, je pense qu'il est là. Mais ouais, en show, les anciennes tunes, puis ouais, le pacing, puis tout ça, c'est encore à travailler. Là. À travailler, ce qui est logique. L'évolution va se faire au courant de la tournée. Ouais. Est-ce que c'est une tournée qui, jusqu'à présent, va durer longtemps? Est-ce qu'il y a beaucoup de shows de bouquets? Ben là, il y en a grosso modo 23, 24, là, aller jusqu'au 11 décembre. Après ça, on prend un break jusqu'à 25 ou 26 février. Puis normalement on va rejouer là, de fin février jusqu'à fin décembre. Puis après ça, je vais vraiment commencer le processus du quatrième. Puis on va sûrement faire une tournée de festival à l'été 2017. Logiquement. Ouais. Donc c'est une tournée qui va relativement durer assez longtemps. Un genre d'un an et demi. Je l'étirerai pas sur deux ans, mais probablement un genre d'un an et demi, ouais. Donc, on serait gagnant de voir le spectacle en début de tournée, en fin de tournée, question de pouvoir comparer comment ça va avoir évolué. C'est sûr qu'il va beaucoup bouger. C'est comme l'ancien band, le dernier band qu'on avait. C'est sûr qu'après deux ans et demi, quand tu joues tout le temps avec le même monde, ben oui, après deux ans et demi, on avait une heure et demie de musique solide. Là. Fort agréable à entendre. Parlons un peu du contenu de l'album en soi. On vient de parler des techniques d'enregistrement, un peu de la tournée. Mais pour ce qui est des textes, des chansons, parce qu'on sait que le public est habitué d'entendre des textes assez intéressants avec une bonne signature lorsqu'on écoute du Bernard Adamus, j'ai senti à l'écoute de l'album que certainement c'est un album peut-être personnel, mais qui était également assez observateur par rapport pas nécessairement à la société, mais peut-être aux gens qui t'entourent, quelque chose comme ça. J'ai parlé plus des autres que de moi, j'ai l'impression, sur cet album-là. Mm-hmm. Puis ça, c'était une autre affaire aussi que j'avais, entre guillemets, réalisé là, après numéro 2, que certaines affaires que je peux garder pour moi-même, pas besoin de tout mettre en chanson. Fait que, ouais, tu sais, je voulais un album un peu plus détaché à ce niveau-là. Puis je pense que je suis bien arrivé. Là. Je pense qu'on entend très bien que c'est moi. Là. Tu sais, je pense pas qu'on est complètement dénaturé. Puis mon Dieu, qu'est-ce qu'il écrit? Puis qu'on s'y retrouve plus. Mais je voulais avoir un peu une autre approche puis aller moins profondément en moi, mais tu sais, comme émettre plus mon opinion sur ce que je vois ou qui que je vois. Tu sais. Mm-hmm, parce qu'évidemment, de toute façon, la tournée permet de rencontrer plein de gens, puis d'observer toujours ce qui se déroule autour de nous. Ouais, donc, fait qu'il y a eu beaucoup de ça. C'est un album qui a été beaucoup, entre guillemets, écrit en tour. Fait que c'est un album qui va plus vite, qui a plus d'informations, plus de monde, mm-hmm. parce qu'il y a eu de tout ça dans les deux, trois dernières années. Fait que c'est un peu ça, je pense, c'est cette énergie-là qui a été canalisée sur ce disque-là. Puis lorsque tu dis un album écrit en tournée, est-ce qu'on parle ici des textes ou tu as tendance à écrire également la musique en même temps? Ben, écrire la musique, attends un peu. Là. Moi, je fais des tunes assez simples, façon de parler. Puis encore une fois, sur cet album-là, j'ai... écrire, là, mais... Ouais. Oui, ben, surtout les textes, là, la structure de la tune musicalement, ça, je fais plus ça chez nous, là, mais ouais, écrire, j'ai écrit un peu partout, mais beaucoup dans le camion dans les dernières années. Tu sais. Mm-hmm. Fait que passer tellement de temps dans le troc qu'à un moment donné, faut bien faire de quoi? Un troc se met à déteindre sur les chansons. C'est sûr. C'est sûr. Fait que oui, j'ai eu du fun en tour, puis j'ai décidé d'avoir du fun pendant le recording. Je pense pas mal ça qui est arrivé. Merveilleux. On sent également dans le son de cet album-là que, évidemment, tu t'éloignes pas d'influence très américaine. Ouais, c'est de la musique américaine. L'album, il a failli s'appeler Distone américaine. C'est vrai? Ouais, maintenant, on y pensait avec Eric. J'étais comme, ouais, la joke est bonne. Eric aussi, elle trouvait bonne, mais il dit, ah, c'est pas aussi fort que Sorel Soviète sur Watt. C'est peut-être un petit peu premier degré, tandis que ouais. Sorel Soviète sur Watt, ça fait des belles questions en entrevue. C'est ça, ça fait des belles questions. Puis, tu sais, il est cool, le titre, là, il est vraiment cool. Mais oui, tu sais, c'est la musique américaine, on s'entend. Là, tu sais, mm-hmm. Il y a des grosses racines encore de blues, puis de plein de sortes de swing américains, puis de plein d'affaires. Tu sais, il y a du western, il y a une tonne un peu plus cajun, mais ouais, ça reste la musique américaine. Sont ben jasants en direct, le face allume, meilleur monde les attend quelque part ailleurs au firmament. Le sourire large de même galé qui gesticule avec leurs deux mains, des airs en majuscule ou ben du bout des doigts pour t'expliquer ça. Ben non, crains pas, tu manqueras pas une virgule. Ils voient des lacs qui font des bombes dans l'eau. L'été c'est bon pour les crampes au cerveau. Moi, alpaga, ça me prend ta peau. L'automne arrive, faut que je me chauffe les os. D'Androquin, moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Massimo Québec au large là-bas, à Caracato Festival du Beluga, que ça se passe à pas. Les gars, rien de moi, j'ai pris une shot sur ma gueule de bois. Pistache cerise ou ben melon chocolat, à chacun son selon sa saveur du mois. Toutes les équipes s'entendent pour dire, pour rien au monde, on s'en passera pas. À s'en ennuyer, que ça va titiller, jusque d'un talon les jours d'été. Ou à l'ombre des cheveux, j'aurais été un animal du bout de mon nez. D'Androquin, moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Et oh la la la la. Et oh la la la la. Et oh la la la la. Et oh la la la la. Thank you. pas de chut, chut, chut, ni tête, tête, tête, tout le monde ensemble, we all love tits. Tu tombes d'un arbre sur une peau d'ours, l'hiver est là, on slack la course. Au petit printemps, les quatre saisons, une gorgée de miel saveur maison. Le poids de manouk, quand le verre jauni dans le creux de tes mains, que le ciel est gris. Assinouces-tu bien au petit matin, ma belle grande face en tes deux seins. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Eh oh la la lolo. Eh oh la la lolo. Eh oh la la lolo. Eh oh la la lolo. Eh oh la la. Bernard Adamus, en général, est-ce que tu peux un petit peu nous parler des influences? Qu'est-ce que tu écoutais pendant l'enregistrement ben, de l'album? C'est vraiment drôle. Ça fait deux, trois fois qu'on m'a fait poser cette question-là. J'ai écouté vraiment beaucoup d'affaires pendant l'année, mais c'est dur à dire. T'sais, j'ai eu une grosse passe The Antword. Qui est très différent. Ouais, j'ai vraiment capoté sur The Antword pendant deux, trois mois. Je me suis allé les voir en show à Montréal. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai aimé un chanteur haïtien vraiment obscur qui s'appelle Mano Charlemagne. J'ai bien aimé ça. J'ai écouté pas mal de James Brown. J'ai écouté pas mal de funk dans les derniers mois. Ben, du funk. Plus du groove là, que du funk comme tel. Je sais pas, là, un peu de tout bord, mais... Ouais, je veux de quoi de plus vivant, simplement. Qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais pas. Là, ça fait deux semaines, j'écoute rien que du Eminem. C'est vrai? J'écoute juste ça chez nous. Mais c'est quelque chose qu'il y a sur le disque, un peu des petites passes rap, des paroles. Ouais, tu sais, j'ai toujours, assez rapidement. J'ai toujours aimé le rap, puis j'ai pas mal de tunes qui sont très verbaux moteurs. Mm-hmm. Là, je me suis mis dans la tête que je vais faire une vraie tune de rap, mais je sais pas là, à quel point je vais y arriver. Là. Qu'est-ce que j'ai écouté? Écoute, je sais pas. J'ai été un grand fan de Québec Redneck aussi, depuis toujours. Fait que ouais, l'espèce d'aspect verbomoteur m'a toujours attiré. Ouais. C'est quelque chose qui paraît malgré tout sur l'album. Oui, oui, oui, non, c'est tout, sûr. Malgré le fait que l'album ne soit pas funk, par exemple, non. Ça vient malgré tout teinter ton écriture musicale. Ben, ça vient teinter le côté vivant, là, je pense. Mm-hmm. J'étais comme, OK, les boys, on joue. Là, L'idée live vient, ouais. Se justifie plus par exemple du funk. Oui, exactement. Effectivement. Puis, on parlait, c'est ça, de l'écriture de la musique, l'écriture des textes. Ta relation par rapport à cette écriture-là, est-ce que c'est quelque chose qui est amour ou haine? Ou est-ce que c'est amour-haine? C'est aigre-doux comme relation, peut-être? Ouais, avec les textes? Ben, disons, avec les textes, oui. Ben, c'est le fun quand ça va bien, mais c'est chiant quand ça va mal. Fait que, ouais, c'est un peu amour-haine, tu sais. Quand je sens que j'ai une couple de bonnes idées, là, ça m'inspire, mais des fois, je suis bien bloqué, puis je sais pas pantoute qu'est-ce que je veux dire. Tu vois, comme à ce temps-ci, j'essaye d'écrire, mais je suis pas capable d'écrire une toune. Tu sais, j'écris beaucoup pour moi, mais j'ai pas vraiment d'idées claires pour écrire une toune. Tu sais, j'ai eu un bon refrain dans la tête, je pense, là, il y a une couple de jours, mais je sais pas trop où je m'en vais. T'sais, des fois, je me trouve redondant moi-même. T'sais, je sais que c'est un sujet qui est infini, là, les relations humaines, la boisson. Tu peux écrire toute ta vie là-dessus. T'sais, pis, non, on a tous nos réflexes. Snoop Dogg, ça fait 25 ans qu'il parle de bitch, puis de cash, puis de meurtre, puis de tout ce qui est arrivé dans la vie, mais c'est tout le temps la même maudite toune qui écrit façon de parler. Avec podcast aussi, c'est un peu la même chose. Ça bouge, mais... C'est Stéphane Lafleur, puis je dis pas ça méchamment, là, j'adore non, ce qu'il fait, mais... Chaque artiste a sa signature. Sa signature, tu sais, Stéphane Lafleur, tu pourrais quasiment changer les paroles d'une toune à l'autre, puis ça va encore fitter, tu sais. Mm-hmm. L'imagerie est souvent très proche d'une chanson à l'autre. Lui, il voit des grosses différences, parce qu'il sait exactement où il s'en va, mais je pense que l'auditeur moyen, lui, il retrouve, comme tu dis, cette espèce de signature-là. Ça crée, ben, au fait, en fait, ça crée un peu l'aspect cohésif du son de l'artiste d'un certain point de vue. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, tu refais tout le temps la même toune. » Mais comme tu dis, je pense que tout le monde fait un peu la même toune. Tom Waits a fait combien de tunes qui ressemblent à une tune de Tom Waits? Tu vas aller voir Hank Williams pour lui dire « Hey, tes country se ressemblent toutes. » Il va te dire « Ben, viens pas à mon show parce que c'est ça que je fais dans... » C'est ça, exactement. « Je fais du country, tu sais. » Si tu vas voir Slayer, hein, je trouve que tes albums sont pas mal tous dans le tapis, là, ben ils vont dire « Regarde, c'est ça le projet depuis le début. » C'est ça, notre musique, c'est de la musique dans le exact, tapis, puis c'est à ça qu'il faut que tu t'attendes. Si tu trouves que si les six vont pas assez loin, ben arrête d'en écouter, parce que c'est le même band depuis 35 ans, puis c'est ça qu'ils font. T'sais. Exactement, ils jouent leur hit, puis ils fonctionnent comme ça. Ouais. Mais malgré tout, j'ose croire que si on regarde l'évolution que les trois albums que tu as fait ont, j'ose croire que ce désir de ne pas se répéter trop et quand même présent malgré c'est tout. C'est surtout être confortable dans qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr que comme tout le monde, tu sais, qu'Éric, il y a bien des affaires qu'Éric, le réalisateur, était comme moi, mais ça, on l'a déjà un peu fait. Cette toune-là, elle ressemble un peu trop. Parce que, tu sais, des fois, je compose, mettons, comme une toune comme Donne-moi-en, puis arrange-toi avec ça sur le deuxième disque. C'est deux tounes que j'ai écrit le riff de base avec un banjo quatre cordes. Fait que si tu pognais les deux tunes banjo-voix, ils sont très similaires. T'sais. Fait que là, Eric, t'es comme « OK, c'est pas la même chose, ton texte pas la même affaire, ton riff, il est vraiment proche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, comment qu'on fait pour faire oublier l'autre tune? » Parce que si on les joue à Aziz, ça ressemble beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que j'ai écouté, mettons, beaucoup de Fred McDowell dans la vie, qui est un vieux bluesman. Puis, tu sais, je veux dire, il y a... Hey, combien qu'il y a de tunes qui sont pareilles d'une à l'autre. Là, t'écoutes des albums de Muddy Waters, là, je veux dire, ils changent. Particulièrement dans le genre blues. En oui, fait, là, particulièrement dans le blues. Là. Fait que tu sais, j'ai pas vraiment de problème avec ça. C'est juste qu'après ça, il faut quand même penser aux arrangements, puis essayer de se renouveler là-dedans, puis essayer de changer l'instrumentation, puis entendre d'autres choses dans nos oreilles pour que le monde aussi, quand ils entendent de quoi, ils disent pas « Ah, mais là, c'est tout le temps pareil, son histoire. » C'est un affaire, mais en fait, les arrangements servent à ça. C'est une question d'équilibre lorsqu'on ouais, en arrive je pense à ce que point-là. Oui, fait qu'on a beaucoup répété sur cet album-là, justement, parce que je voulais un peu me tasser du côté... je voulais avoir un band plutôt que des musiciens qui accompagnent un chanteur. T'sais. Pour se tasser de ce côté-là, est-ce que tu as essayé de tâter d'autres instruments ou tu t'en es resté à guitare, banjo... Ben là, sur cet album-là, il y a d'autres, il y a différents brass. Là. Il y a beaucoup de clarinettes basses et de sax ténor. Il y a comme 4 ou 5 tunes qui ont été enregistrées avec ce duo-là. Oui, il y a Jolie Blonde. Puis après ça, c'est quoi l'autre qu'on a fait à la part du diable? Une autre affaire. Mais ouais, encore beaucoup de brass, mais un peu une autre sauce. C'est plus cabaret comme blues maintenant. Sur cet album-là, j'ai l'impression que les autres. Puis en live, est-ce que c'est quelque chose, les brass, les cuivres, est-ce qu'on peut... Ben là, on a juste un brass en live parce que j'ai pas... Si j'avais plus de moyens, ce serait une autre histoire, mais de manière, j'ai pas bien ben le choix. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, en festival, probablement, on va venir en plus gros band. On va être capable d'avoir deux sax en permanence et ou d'autres choses. Mais là, oui, là, on est rendu... C'est un band de 6 personnes en permanence sur le stage. Fait qu'il, mais il y a juste Guibou qui reste, puis lui, il oscille entre le sax ténor puis la clarinette basse. OK, intéressant. Donc, on a parlé de la création de l'album, ainsi que des paroles. On a parlé un petit peu de la tournée. J'aimerais y revenir vite avant de terminer. Ce soir, tu joues à l'Embuscade. Yep. Ainsi que demain soir. Yep. Je crois qu'il y a également un show à Chaoui qui s'en vient. C'est pas... Oui, ça c'est vendredi, puis samedi on joue à Sorel. Fait que oui, beaucoup de dates, là, comme j'ai comme un genre de 23 à 25 dates, là, aller jusqu'au 11 décembre. Fait que grosso modo, je suis en tour. Yes. Puis si on prend par exemple les deux shows à l'Embu ce soir, deux shows sold out, les billets sont vendus très rapidement. Oui. J'ai moi-même pas réussi à en avoir. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais dans les autres tournées? Est-ce que ça arrivait beaucoup que tu remplisses très rapidement? Est-ce que le succès, c'est quelque chose qui arrive vraiment avec cet album-là de manière fulgurante? Non, mais je ne veux pas me péter les bretelles là, ou m'enfler la tête avec ça, mais pour être honnête, là, ouais, ça fait quand même une couple d'années que c'est grosso modo sold out, là, un bon 8-9 fois sur 10. Là. Il y a des salles qui sont plus grosses et qu'on n'arrive pas à remplir, puis c'est normal, là. Mais dans le créneau que j'ai puis dans les salles que moi je fais, mais là, grosso modo, toute la tournée est sold out là, jusqu'au mois de décembre. En ce moment, ça a l'air que tous les billets sont partis à tous les shows. Fait que merci tout le monde. On peut pas s'en plaindre. Non, je m'en plains pas du tout. C'est une bonne chose. Je sais pas comment c'est arrivé là, mais ouais, ça a l'air que le monde se retrouve dans mes déboires. Voilà, malgré le fait que ce soit très américain, il faut croire qu'il y a beaucoup de Québécois qui... Mais la musique américaine, le monde en écoute sans le savoir depuis qu'elle joue, tu sais. Éric Lapointe, la musique américaine, pareil. De toute évidence. Pas bonne à mes oreilles, mais reste que c'est la musique américaine, tu sais, c'est un genre de rock dilué. C'est comme quelque chose que tout le monde a toujours sous-entendu, tu sais. Tout gros fan de rock, en quelque part, aime le blues, tu sais. Ça vient de la même Christie de racine. Exactement, t'sais. Exactement. Fait que c'est pas tout le monde qui est un fan fou de blues, mais faut être l'amateur de rock que... moyen, quand il va entendre du blues, il va se reconnaître pareil dedans, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que ça aide un peu à mes affaires. Puis je pense que c'est une musique que j'ai bien intégrée en québécois. Fait que le monde, il se retrouve là-dedans. Effectivement. D'ailleurs, qu'autant de gens se retrouvent là-dedans, qu'il y ait autant de succès avec les tournées, que les albums... vendre relativement bien dans la situation de vente du disque tout actuel. Tout à fait. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer, la relation avec le succès? Ou? Ça l'a déjà été, mais là, soyons honnêtes, là, ça fait quand même 6 ans que j'ai perdu mon anonymat. Mm-hmm. Fait que non, ça va. Puis le monde n'est pas trop fatigant. Là. Je pense pas que je suis devenu une personnalité publique du type, je sais pas moi, Éric Salvaille ou quelque chose de même. Fait que je pense que le monde... Le public n'est pas le même non plus. Non, le public n'est pas le même. Juste que quand le monde est chaud, ça, c'est une autre histoire. Je fais beaucoup face à du monde très fatigant quand ils sont très chauds. Mais en même temps, c'est correct. Là. C'est ça que c'est un peu ça que j'ai créé. Puis... Mais le monde est gentil en général. Ce qui est vraiment agréable en soi, d'avoir un fanbase respectueux. Tout on tout s'en fait. Fait pas non plus. Fait. Donc, merci beaucoup, Bernard Adamus. Ben, merci à toi. On rappelle que tu joues ce soir... à l'embuscade, ainsi que demain soir, les deux spectacles sont complets. Mais on m'a dit qu'il y a du monde qui vend leurs billets sur Facebook. Fait que oui, si, effectivement, si vous êtes, j'ai vu ça passer. Si vous êtes motivé, peut-être que vous pouvez fouiller dans ce réseau-là. Merci infiniment. Merci à toi. Bernard Adamus, la pièce Le Blues à Gigi sur l'album Sorel Soviet So What. Dans le milieu d'entrevue, on a entendu l'extrait Hola les Lolo et au tout début, c'était Donne-moi-en avant l'entrevue que Louis-Philippe Quentin, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, a fait pour nous. Vous pouvez aussi retrouver Louis-Philippe Quentin à l'émission Assemblage Requis. C'est un mardi sur deux. À 8h30. On a parlé de dates pendant l'entrevue, comme quoi il était en spectacle ce soir et demain. Évidemment, c'était passé tout ça. Les prochains spectacles, le 9 octobre à la Taverne de Saint-Casimir. Tout est complet en passant. Oui, c'est ça. Il le disait dans l'entrevue. Alors, essayez pas d'acheter des billets, malheureusement. Il n'en reste plus. Mais comme il disait, peut-être aller sur Facebook pour trouver les scalpers. Oui, parce qu'apparemment, ça scalpe. C'est ça. 10 octobre au Magasin Général Lebrun de Masquinongé. 16 octobre à la Valtrie, à un bar qui s'appelle La Chasse-Galerie, comme ici. Hein. Ah, ouais. 17 octobre à la Petite Église. Le reste des spectacles sur bernardadamus.com. On remercie Bernard Adamus, on remercie Louis-Philippe Quentin, bien sûr, pour tout ça. Louis-Philippe Quentin qui fait toujours des chroniques musicales un petit peu dans un campus. Alors, il connaissait très bien le sujet, on doit le dire. Il a insisté pour faire l'entrevue. Oh, on s'est dit qu'il allait faire un bon travail. Et c'est le cas. Voilà donc, nous, pour l'instant, c'est la fin de la deuxième heure des Palmarès Ifo. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième heure, la portion top 5. On va dire quand même qu'on a sauté par-dessus les sixième et septième anglophones. En septième, Fist City avec Hill Hill Sister. Et en sixième, Yukon Blonde, alors qu'en francophone, on a sauté seulement la sixième. Eh bien oui, on a sauté seulement la sixième qui était Pour pêcher d'Arthur Comeau, qui a descendu de deux positions cette semaine. Ah voilà, on se retrouve pour une troisième heure des Palmarès Ifo. Restez avec nous. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour, c'est la troisième heure des Palmarès Sifou pour la semaine du 5 au 11 octobre 2015. Et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. En effet, troisième et dernière heure, la portion top 5. On va savoir d'ici la fin de cette heure si notre numéro 1 anglophone est toujours Matrix avec The Shade. Et on tentera de savoir si Philippe Braque est toujours à la première position du top franco avec Christelle. Ah cette chère Christelle. Adorable Christelle. Mm-hmm. Alors, position numéro 5 pour débuter cette heure en anglophone, ce sera Ratatat, je crois. Moi, en tout cas, on devrait prendre un petit peu. Juste un petit peu. Parce qu'on le fait jouer à Assemblage Requis pas mal. Pas mal. Ouais. Donc, elle est montée de la 10e à la 5e. C'est Abrasive sur l'album Magnifique. Tandis que du côté francophone, eh bien, c'est Philémon Simon avec la musique de l'album Les femmes sont comme des montagnes. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. La musique est un amour. Un amour. Sans unique, Véronique, vire autour de moi, mais la musique est un amour, un amour qui me déchire. J'écouterai cette chanson-là 1000 fois de suite. Tellement. On repart. Go. On dirait presque qu'il est reparti. Hein. Presque. C'était Abrasive de Ratatat pour le numéro 5. Anglophone, ça monte de 5 places. Et pendant que du côté francophone, eh bien, on a écouté la musique de Philémon Simon qui est encore au top 5. Ah, le petit poulamon à Philémon Simon, toi. Eh, ça, j'aurais pas été capable de dire ça. Non? Non. On dirait qu'il faut pas que je réfléchisse à ce que je vais dire, ouais, pour être capable de le dire. Si ah, ça t'arrive souvent, hein, ça. Si je prévois quelque chose à l'avance, je m'en fâche, puis je fais comme « Ah, j'aurais dû la dire autrement. » Faut jamais planifier d'avance. Non, mais des fois, faut remplir des silences. Je suis d'accord. C'est pas parce qu'il y a un vide qu'il faut le remplir, hein, comme on dit dans les jargons de la porn, je pense. Exact. Ça doit être ça. Je pense que c'est là qu'on dit ça. Donc, en anglophone, la quatrième position, c'est She Serpent, parlant de choses qui vont s'insérer dans des trous. C'est la pièce Black Swan qui monte de une place. Et pendant que j'essaie de garder tout mon sérieux en quatrième position cette semaine du top 20 francophone, eh bien, en quatrième place, elle était en troisième position la semaine passée. C'est l'autobus des connards à l'orange. Parlant de choses dont tu veux enlever des plumes. Ou des plumes. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Slack, fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans l'autobus, m'a dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ, fait que je m'imagine plein de belles affaires. Tu t'en vas travailler au carrefour de l'escroc. Je sais, j'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur pis ton cerveau avant de passer 8 heures à vendre la merde au fou. J'suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu avoir de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans l'autobus, me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ, fait que j'm'imagine plein de belles affaires. Juste mes châtiments. J'suis un peu gêné de t'aborder. T'as dit ce livre-là est excellent. L'utiliser pour te parler. J'te regarde du coin l'œil et puis j'gosse sur mon iPod. J'écoute les marmottes pis d'autres musiques plus à mode. On arrête en même place, on va chercher des cordes. J'te regarde du paradro au milieu de la horde. L'écrivain reste dans le Corvus. M'a dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au. We'll be right back. Serpent, Black Sun. Ça monte de une en quatrième position anglophone. Tandis qu'en top 20 francophone, eh bien, on a entendu l'autobus des Connards à l'Orange. Ah ouais. Tu sais, des fois, quand on dit genre qu'il y a une référence, une blague que j'aurais aimé faire, tu sais, oui, mais quelqu'un d'autre a trouvé en premier, je trouvais ça tellement bon, je l'adapte à nous. Donc, copyright à The Soup. Mais ils disent félicitations à la NASA d'avoir trouvé de l'eau sur Mars. Et félicitations aux gens qui ont réussi à trouver les palmarès si fous. Au 80 FM. C'est encore plus difficile par moment. Quelle est la case horaire? Est-ce qu'ils sont le vendredi? Est-ce qu'ils sont jeudi? Est-ce qu'ils sont mercredi? Est-ce qu'ils sont mardi? Il va nous rester à manger le dimanche soir à essayer. Mais là, c'est le mardi. Mardi maintenant, entre 15h et 18h. Et c'est même assez fou. Et on repasse les vendredis à 17h et les dimanches à midi. Voilà. C'est dit. C'est... Je pourrais pas mieux dire. La NASA, est-ce qu'ils vous ont dit ça? Eux autres étaient où l'eau sur Mars pour aller en chercher? Ben non. Fait que c'est ça. C'est la quatrième rush à gauche. Quatrième rush à gauche, c'est drôle. Position numéro 3, du côté anglophone, ce sera Destroyer avec Dream Lover qui descend de une place. Sur l'album Partir Avant, eh bien, c'est Rosie Vallant avec la pièce Olympe. Non, je suis désolée. Mais c'est... avant ça. Ouais, c'est ça. Mais avant ça, c'est en fait l'album Mascara de Rose Fargo avec Velvet qui est en troisième position. J'avais mal lu. On t'en verra, c'est fou! 81 FM. FM. You're sick in bed. You're sick. doctor play dead. You love a doctor play dead. Shit, here comes the sun. Oh shit, here comes the sun. Look, here comes the sun. Now here comes the sun. Ça descend une place en troisième. Destroyer, I barely even know her. Oui. C'était pareil. Pareil. Pendant que du côté francophone, en fait, on a entendu Rose Fargo et Velvet et non Rosie Vallant. Oui. Et c'est parce que les deux noms sont un en dessous de l'autre pis sur la feuille. Rosie puis Rose puis Velvet puis Vallant. Ça se ressemble beaucoup. C'est ça. Mais bref, non, ne pas confondre les deux. Non. Et moi, je pensais que les blagues en anglais seraient quelque chose que tu comprendrais un petit peu plus, là, étant super anglophone. Mais bon, j'imagine que t'es pas en mode anglophone en ce moment, fait que mes blagues en anglais te touchent moins. Je suis en mode, mon cerveau est à off. Parce qu'il reste une demi-heure à l'émission? Parce qu'il reste une demi-heure à l'émission et que ma dent de sagesse fait très mal. Oh, pauvre dent de sagesse! Ben oui. Ironique quand même, une dent de sagesse sur une fille comme toi, Tania. Pourquoi est-ce que je l'ai? Pourquoi est-ce que je l'ai? Sur ce, passons au prochain appel. Pourquoi est-ce que je l'ai? Tu sais, gars, yeah, assume-toi. Hein? Ah, ben, je m'assume. Pas une fille sage. Je suis aucunement sage. Une fille sage, j'aurais pas des manches en cuir. Toi, pis les manches en cuir ou genre mes pantalons en cuir. C'est ça beau, comme... du cuir. J'aime ça, le cuir, gars, je m'assume là-dedans. Donc, on était rendu au position numéro 2 et. Déjà 2. Ça va très vite. Il reste une demi-heure. On va avoir le temps de reculer en arrière un petit peu pour entendre des pièces qu'on a sautées dans le début de l'émission. Donc, en anglophone, ce sera en deuxième place Teen Days avec Pink qui monte d'une place. Tandis que du côté francophone, eh bien là, ça va être le temps d'écouter du Rosie Vallant avec Olympe, qui, la semaine dernière, était aussi en deuxième position. Donc, on n'a pas bougé pour Rosie Vallant. Es-tu sûr? À part tout à l'heure, quand je les ai nommés en troisième position, mais ils sont encore en deuxième. Comme on dit, va lentement quand tu dis ces affaires-là. Va lentement. On n'est même pas rendu numéro 1, puis je pratique mes jeux de mots. C'est sur l'album Partir avant, en plus. Je fais des blagues avant tout le monde. Ah oui. Je suis parti avant le temps. Il reste une demi-heure. Là, non, je sais. Chose à la fois. T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagner? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand une voix oublie ton nom sur l'échafaud? Quand une voix oublie ton nom. Pour lequel tu as perdu la tête. l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 89. Ça monte de une en deuxième position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on est resté à la deuxième position depuis la semaine dernière. C'était Olympe de Rosie Vallant. Et voilà, on est déjà rendu au numéro 1, Tania. Déjà? Ça veut dire qu'on doit faire des jeux de mots poche. C'est le temps de ça, Mathieu. Je te laisse la place. Tu peux en faire si t'en veux. Je veux dire, tu sais, je comprends que moi, je vais faire les meilleurs. C'est comme moi, ce serait comme l'arbre des blagues. Je suis pas certain que je serais capable de faire des jeux de mots comme les tiens. Mais si, mettons, je les installe puis que je t'envoie une grosse boulette. Je vais essayer, mais probablement que j'y répondrai. Tu sais, je le continuerai pas. Mettons, je t'envoie que mes blagues vont être comme des troncs. Floc, là, je t'envoie la balle. Là, tu l'attrapes, tu fais une joke de branche. De branche. C'est braque, braque, okay, branche. Ouais. Oui, mettons. Oh, ou mettons que je t'envoie crime tel joke, elle va être drôle. Toi, tu peux faire une joke de Christelle est bonne, tu sais. Mettons, OK. On essaie, tu sais. On essaye fort, hein, parce que... Moi, je sais, on ne sont pas super bonnes, mais des fois, il y a des blagues, il y a des chansons qui sont difficiles pour faire des jeux de mots. Je n'ai pas commencé par la bonne pour te t'enseigner. Non, je ne pense pas. Je pense que l'autre était meilleure. Ouais, je pense que oui. Mais attends, on va juste finir avec celle-là. Tu sais, mettons que je te dis, dessine-moi une blague. Mettons, puis là, tu vas me dire, ben, je vais dessiner un enfant qui a très, très faim. Alors là, ça devient un petit peu déprimant. Ouais, c'est comme... Faire un portrait de famine. Pas la meilleure, c'est la meilleure, non. On va essayer en anglophone, OK? OK, allons-y en anglophone. Mettons en anglophone, je te dis qu'on pourrait pas compter la distance jusqu'où mes blagues s'en vont, mettons. Mes blagues sont aimées à des kilomètres et selon certains, ou mettons toi, mes blagues sont bonnes jusqu'à une certaine distance de... 1 mètre. Oui. C'est-à-dire un petit peu plus que le range entre toi et moi en studio. Fait que toi, t'y trouves pas drôle parce que t'es au-delà du mètre. Ça doit être ça. Tu comprends? Je la comprends. Ça va mieux en anglophone qu'en francophone, hein? Ça va mieux à date. Là, je te dirais que mes jeux de mots t'éclairent tellement que t'as envie d'aller te mettre à... sous les palmiers. À l'ombre, oui, c'est ça. À l'ombre, the shade. Ben oui, mais moi, je pensais à Vegas. Ouais, mais une chose à la fois, ça, c'est okay, l'album, excuse. On le fait à la fin, tu sais. OK, vas-y. OK, où est-ce que mes blagues s'en vont pour mourir? Las Vegas. À Las Vegas, voilà, parce que ce qui va à Vegas reste à Vegas, comme mes blagues devraient rester le plus loin possible d'ici, tu sais. Je te promets que je vais pas amener tes jokes si j'y vais. C'est ça, non. Je suis sûr de parler des balados diffusion des palmarès, c'est fou, parce que tu vas trouver le temps long. Hé là là. Donc voilà, résume-nous un petit peu les positions numéro 1 en francophone et anglophone, s'il te plaît. Eh bien oui, du côté francophone, eh bien, comme le si bien décrit Mathieu, ou plus moyen, ou moins, ouais. En fouet, celle-là était un petit peu boiteuse. Première position, de même chose que la semaine dernière, eh bien, Christelle de Philippe Braque est toujours au top 1 du top 20 francophone. Faut quand même m'excuser le fait que le numéro 1 francophone était le même que la semaine passée, donc c'était difficile d'avoir d'autres blagues. Ouais, c'est ça, non, je suis d'accord avec toi. C'est, on le retrouve sur l'album Portrait de famine, d'où le petit dessin de l'enfant qui a fait. Avec un numéro de téléphone en bas. Vision mondiale. Ouais, c'est ça, voilà. Louis-José et... Mondoué, là. Tout. Du côté du top 20 anglophone, eh bien, la première position reste encore une fois la même que la semaine dernière. C'est Metric avec The Shade sur l'album Pagans in Vegas. The Shade comme dans l'ombre. Comme dans l'ombre. Voilà. On écoute sous les palmiers de Las Vegas. Ben, tu l'avais, ça. T'étais quand même proche d'avoir c'est une proche, blague. C'est proche. On écoute au numéro 1 et bonne écoute. Ça. Bonne écoute. De plus. C'est les palmarès, c'est fou. C'est ça. Porte à guitare. Tu reviens toujours au moment où je t'espérais plus. Tes ailes aux premiers battements sont venues boucher ma vue. Même moi, âme de buvant, pour passer le temps, mais je t'attends plus fort. Tant que ta silhouette s'évapore parmi les enfants sous puis les rois morts qui volent dans ton sein, je t'en trouve tout le temps dans mon angle mort. Like a feather, salt and light. Numéro 1 des deux côtés pour la semaine du 5 au 11 octobre 2015. On est pas mal assez fou. On vient d'entendre Matrick avec The Shade Stable en première place anglophone. Et du côté du top 20 francophone, eh bien, c'était Philippe Braque avec Christelle. C'est aussi stable. C'est un peu plate comme fin d'émission, non? Ouais, je sais. On en fait-tu jouer d'autres? Ben, moi, je pense qu'on devrait. Et tant qu'avoir joué du Matrick juste là, comme numéro 1 anglophone, savais-tu Tania Baudin qu'il y a deux pièces de Matrick dans le palmarès en ce moment anglophone? Ah, oh, ouais! Ah, je te jure! Et l'autre, tantôt, on l'avait sauté comme des ingrats. On n'est pas correct. C'est vraiment pas correct. En plus, que c'est une nouvelle entrée la semaine passée. Elle a franchi la moitié du palmarès anglophone. Donc, elle monte de la 20e à la 11e. C'est Matrick avec Four Kicks. Et juste après, on entendra la 11e francophone, tant qu'à y être. Bien oui, certainement, qui est L'amour argent de Pony. On était aussi à la 11e position la semaine dernière. Donc, on reste stable du côté de Pony. Voilà. Mais pour l'instant, Matrick, deuxième fois, mais une autre chanson. Je ne jouerai pas la deuxième. On ne jouera pas la même deux fois. Quand même. On a une petite jam, non? Une petite jam. C'est les palmarès si fous pour encore une quinzaine. Au 89 FM. Trouble to please if Bon choix, Tania. Depuis oui. qu'on avait sauté précédemment, Pony avec L'Amour Argent qui est stable en 11e place francophone. On a aussi entendu la 11e anglophone qui était Metric. Ben oui, Four Kicks de Metric qui était à la 11e, comme tu disais. On a quand même fait un saut de 9 positions pour Metric cette semaine. C'est bien, c'est bien. Et en plus, deux pièces dans le même palmarès, là, faut le faire. Hein. Oui, parce que c'est eux qui sont au top 1 anglophone. Qu'on avait entendu juste avant. Allez, il nous reste une dernière pièce. On va se quitter sur la 6e position anglophone de Yukon Blonde. C'est Saturday Night. Dans quelques instants. Mais avant ça, le temps de vous dire que c'est tout pour les palmarès C'est fou pour cette semaine. C'est déjà tout. Merci de ta régularité encore, Tania Baudin. Ça fait plaisir, hein? J'ai commencé à y prendre goût de venir animer les palmarès C'est fou avec toi, Mathieu. À date, on continue de se le demander à chaque semaine. Ouais, c'est ça, à chaque semaine. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ouais, c'est ça. Ça tente-tu, là? Et à chaque fois, c'est ça me dérange pas. Pas ça me tente de le faire, ça me dérange pas de le faire. Mais c'est mieux que rien, ça. C'est mieux que rien. C'est vrai, non, mais j'aime beaucoup ça, c'est fun. Ça donne du temps d'antenne en plus. Absolument, t'aimes ça, toi, t'as plugué partout, Tania Baudin. Ben oui, hashtag, de l'autoplug. C'est ça. Hashtag en plus avec Tania Baudin. Bon, attends. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, entre 15h et 18h. Après nous, c'est La Sécheuse, puis Réanimation, l'émission de Métal et d'Horreur. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, Sky Panka. Et dimanche à midi, après nous, c'est La Sécheuse encore. Sur.ca, assemblagerequis.com. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Soyez-y. Donc, dès demain matin. Soyez là. Bye bye. Bye.